En fait, j'avais guitare démo, mais ça marche plus. Guitare rig, ça marche plus, ça s'est arrêté. Ça, c'est le riff que j'avais trouvé à l'origine. Et la rythmique basique. La rythmique basique. Guitare rig, il veut pas marcher. Comment on fait, j'ai droit à 30 minutes de guitare. J'ai droit à 30 minutes de guitare. Guitar Rig vous offre 30 minutes de bonheur et après vous l'achetez. J'ai droit à 30 minutes. Égaré dans la vallée infernale, le héros s'appelle. Tu connais pas Giorgio? Comment on faisait ça? Égaré dans la vallée infernale. Ouais, c'est un de chute. Thank you. peu mou. Hein. C'est facile, hein? We'll be right back. égaré dans la vallée infernale. C'était Indochine massacrée. Start race, go! I follow Amatilenen. Amatilenen. C'est ça la fin. Amatilenen. Il n'y a plus la batterie, Jean-Marie. Ok. Ok. Allez, come on. Amati. Giorgio, je te suis. Allez, Giorgio. Thank you. du ZZ Top. Perdu là. C'est quoi tu joues? T'as jamais besoin. Attends, Giorgio. Giorgio, c'est ton cap. Ok, c'est ça. Ok. Giorgio, calme-toi, Giorgio. Giorgio, t'es parti. Giorgio, t'es parti de ton truc. Giorgio, tu es parti de ton riff. Changer de riff. Je sais plus jouer au téléphone. Quelque chose en toi ne tourne pas. Ça, j'aurais pu jouer. 30 minutes, c'est fini. Guitare, c'est fini. 30 minutes. Comme ça coupe direct. Oh, qui c'est qui me donne une version craquée de Guitare? Bon, allez, ça suffit, ça veut dire que c'est l'heure d'aller manger. Oh, nom de Dieu. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci pour le moment de bruit. Thank you. Thank you.